Il était une fois, il y a bien longtemps, en 1982, naissait British Connection, l'émission rock sur une radio libre et pirate de la banlieue parisienne. Elle ne diffusait que du rock et de la new wave anglaise. Deux ans plus tard, son animateur Philippe, qui n'était pas du tout un prince charmant, découvrit qu'il existait dans le monde des artistes et groupes francophones, qu'il inclua dans sa programmation et qui représentent aujourd'hui 50% de l'émission. Le nom British Connection restera néanmoins le même. Et nous l'espérons pour des siècles et des siècles. British Connection, l'émission qui t'aime et qui prend soin de toi. Salut, c'est Vincent Mondiaux dans British Connection. Je suis écrivain, notamment de livres pour adolescents. L'un des premiers que j'ai publié s'appelait Tiffen 1 Punk 0. C'était chez Sarbacane, un éditeur français, en 2013. Et ça racontait l'histoire de Tiffen, une lycéenne qui apprend qu'elle a une maladie assez grave, à tel point que ça va la tuer à moyenne échéance. Et elle décide un peu de faire la paix avec plein de choses, plein d'aspects de sa vie, dont son grand frère Geoffrey, qu'elle n'a pas vu depuis un moment, avec qui les ponts sont un peu coupés. Et elle va découvrir qu'il est devenu batteur dans un groupe de punk hardcore. Et par un concours de circonstances un peu inattendu, elle va se retrouver à partir en tournée avec ce groupe-là, et à découvrir un peu le monde du punk DIY, donc des tournées assez mal organisées, des salles de concert qui sont plutôt des bars, et des gens qui sont bourrés de H24. C'est un monde auquel elle n'est pas du tout habituée, et qu'elle va découvrir un peu durant ses vacances d'été. Ça va être une espèce de long road trip avec ses quatre mecs beaucoup plus âgés qu'elle, mais très bienveillants, et qui vont s'occuper d'elle, et qui vont lui faire découvrir cet univers. Un univers que je vous propose moi aussi de découvrir d'ailleurs musicalement avec Amanda Woodward, un groupe français qui du début des années 2000 qui a beaucoup influencé la bande son musicale, on va dire, de mon roman, qui incarne très bien le genre de groupe auquel participe justement Geoffrey, son grand frère. British Connection, just rock. Tiffen 1 Punk 0, c'est un titre qui n'est pas de moi, qui est de mon éditeur de l'époque, Thibaut Bérard, qui était celui qui dirigeait les éditions Sarbacane à ce moment-là, en tout cas la collection à laquelle appartient le roman. Je ne suis pas très fan de ce titre-là, pour être honnête. C'est un titre que je trouve déjà très compliqué à prononcer, à comprendre. Quand on dit mon roman s'appelle Tiffen 1 Punk 0, il faut presque l'écrire pour que les gens comprennent. Et en plus, je trouve que ça a créé une... Je l'ai vu au fil des années quand je parle de ce roman aux gens. Ça crée une espèce d'incompréhension autour du terme punk. Parce que pour moi, en fait, j'ai grandi. J'ai passé une partie de mon adolescence dans la scène punk DIY, la scène de punk moderne, on va dire, qui est très influencée par le hardcore, par l'emo, par plein de choses comme ça. Et qui est une scène qui ressemble très peu, en réalité, à ce que les gens imaginent quand on dit le mot punk. Les gens associent en général le mot punk à l'esthétique du punk anglais des années 70, en gros, Sex Pistols, au Clash. Et moi, c'est une musique qui ne m'intéresse pas beaucoup, pour être honnête, que j'ai très peu écouté et qui, le peu que j'en ai écouté, ne m'a pas tant plu que ça. Par contre, j'adore le punk des années 90-2000. En gros, le punk post-Minor Threat, le punk hardcore, qui a donné par la suite l'emo et toutes ces choses-là. Et c'est un style de musique qui est beaucoup moins connu par le grand public. Et donc, je trouve que le titre du roman est un peu problématique, entre guillemets, parce que les gens s'attendent à voir des mecs avec des crêtes et des perfectos cloutés, ce qui n'est pas du tout l'esthétique de cette scène-là, de la scène du punk hardcore français, notamment. Et ça a créé des déceptions. Je sais que dans certaines critiques du roman, on me dit que « Ah, mais c'est pas du punk, ce qu'on voit dans le roman, c'est pas ça le punk ». Ce que je comprends, parce que les gens imaginent le punk anglais, encore une fois, ce qui n'est pas mon influence à moi. Et justement, pour peut-être mieux comprendre ce que moi j'aime dans ce que j'appelle le punk hardcore, l'emo et toutes ces choses-là, je vous propose d'écouter un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thursday, avec leur morceau « For the Workforce Drowning ». Sound and name. Tiffen 1.0 aujourd'hui, c'est un livre un petit peu vieux hein, dans ma carrière, qui a quasiment 10 ans. Donc forcément, j'ai un peu peur de le relire parce que je pense qu'il y a plein de phrases où je me dirais « Ah, je pourrais faire mieux quand même aujourd'hui », qui me ferait un peu grincer des dents. Mais ça reste un roman pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je suis toujours content en dédicace, en salon, des choses comme ça, quand un lecteur s'intéresse à ce roman-là, parce qu'il a marqué le début de plein de choses pour moi. Le début notamment des romans pour adolescents réalistes. J'en ai écrit d'autres depuis. Et en fait, ils se passent tous dans la même ville, ces romans-là. J'ai fait en sorte que les personnages se croisent un petit peu le temps d'une scène ou deux. Tiffen va réapparaître dans un autre roman, à savoir Nightwork, que j'ai écrit quelques années plus tard. Elle fait un petit featuring. Donc voilà, c'était une manière aussi d'assumer ce roman-là. Je l'assume totalement, de toute façon, mais de continuer à le faire vivre. Et c'est un roman que vous pouvez toujours trouver hein, en librairie, qui continue à exister, même si aujourd'hui, c'est clairement plus ma nouveauté, hein, si je puis dire. Mais c'est un roman ouais, que je continue à aimer. Et je pense que si vous connaissez un petit peu la scène punk, la scène indépendante française, ça vous rappellera plein de choses. Une certaine époque du début des années 2000, avec des groupes, il y avait une vraie effervescence à ce moment-là sur cette scène-là. Et j'avais été aidé notamment dans l'écriture par un ami à moi, Florian Schall, qui habite à Metz, qui a fait partie de plein de groupes, les plus connus étant peut-être Dead for a Minute, Hyacinthe, actuellement il est dans Lot, L-O-T-H. C'est des groupes que j'aime beaucoup, et il m'avait aidé en fait à crédibiliser un peu cet aspect du roman, à ce que ce ne soit pas trop cliché. Et donc il m'a aidé sur l'aspect justement qui concerne la vie d'un groupe en tournée en fait. Moi, j'ai jamais été en tournée, j'ai jamais fait partie d'un groupe, j'ai jamais organisé de concert, je me contentais de les regarder. C'est lui qui m'a aidé pour tout ça, donc je le remercie. Je l'avais déjà remercié à l'époque, mais je le re-remercie. Et justement, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, à savoir un morceau d'un des groupes de Florian, Hyacinthe, qui s'appelait, le morceau s'appelle « Vos passions sont sans éclat », un titre très émo. Et je vous remercie d'avoir écouté tout ça et de m'avoir permis de reparler de ce livre qui commence à appartenir au passé. Merci à tous. We'll be right back.

Sur les visages, la foule à l'eau, accompagne la vague. Nous serons les gars dans ces rangs, en plein désespoir. Nous serons les gars dans cette île isolée, la mémoire se noie. Nous serons les gardes dans l'océan, en plein désespoir. Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la dernière partie de l'album de la semaine. Le groupe s'appelle The Cash Flow, l'album Would It Be Impossible. La chanson Apes est assez noire et parle de la violence sur les femmes. La cruauté que les hommes peuvent avoir envers les femmes. Une chanson à la fois puissante et émotionnelle. On vous laisse écouter Apes. L'émission qui déchire ton perfecto.